motherfucker. Now it's time to blow up the spot. Represent to the fullest. Pour ta collection, section explicite. Technique. Deux faces égale Québec, comme les Nordiques, j't'emmène en visite. Ayant bienvenue dans mon monde, octobre 2003. Dockdown, drop plus long. Game over, HH 24 sur 24. Comme un Apache, déterre la hache et scalpe le white. Ayant la pire des races. Mais j'dis rien que la vérité. Violence verbale déchaînée, j'emmerde l'autorité. Fuck l'atterrissage, j'profite un max de ma chute. J'vis la vraie vie, profession MC. Et ce même si c'est pas payant, au moins j'vis des bons moments. Ma musique c'est ma vie, le RAP, j'ai ça dans le sang. C'est évident, mais juste au cas j'garde un plan B. Mieux vaut jouer prudemment. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, de FACES dans ton stéréo. Back again, yo, le Gémeaux solo. This is how it should be done.